Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre 2030 glorieuses Utopie vivante, j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui, comme moi, ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur, mais aussi de raconter ce changement. Parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure, et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast 2030 Glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Et je suis trop content qu'on soit ensemble. Je te présente rapidement et ensuite je te laisserai te représenter. Je l'ai déjà dit pour les personnes qui sont déjà un petit peu avec nous, mais tu es l'hôtesse, on dit ça comme ça, je crois, du podcast Nouvel Oeil, ou en tout cas la créatrice, l'animatrice du podcast Nouvel Oeil dans lequel tu m'as donné la parole, mais en fait... dans lequel tu donnes la parole à plein de personnes qui sont inspirantes, et j'aimerais que tu me racontes pourquoi tu as lancé ce podcast. Et puis plus récemment, je l'ai déjà montré, mais je le remontre, tu as écrit ce livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, et d'ailleurs j'aimerais bien que tu nous racontes aussi ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et plus largement, j'aimerais qu'ensemble, et donc du coup notamment à travers ces deux projets, tu nous racontes le pouvoir des imaginaires et ce qui t'a donné, toi Victoria, à... redis-moi à quel point tu es jeune, 23 ans, 24 ans ? Non, oui. Ouais, tu vois, à quel point... tu t'es sentie légitime pour prendre la parole sur ces sujets. Je t'écoute, Victoria. En fait, je me sens toujours pas légitime. C'est ça qui est assez drôle. C'est que c'est des jours où je me dis « Non, mais t'es pas du tout légitime. » D'autres jours, je me dis « Mais en fait, pourquoi il faudrait attendre d'avoir 40 ans pour se sentir légitime ?» Et donc, en fait, j'ai un peu mis de côté cette question de légitimité ou pas, parce que c'est vraiment, finalement, une pulsion de vie. C'est comme quelque chose qui est en moi et c'est comme une urgence pour moi de réveiller le monde et d'aller questionner les choses de la vie et d'aller partager des messages d'espoir aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que soit la crise écologique, la quête de sens et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, je pense que les jeunes, on doit réfléchir à ces sujets-là le plus tôt possible pour éviter la crise de la quarantaine ou pour éviter potentiellement les choses pas très cool qui nous attendent liées au climat dans quelques années. Donc finalement, que ce soit le podcast ou le livre, c'est un petit peu des projets qui sont nés par hasard et qui étaient pour moi une évidence. Donc, c'est des projets sur lesquels je travaillais pendant mes week-ends, pendant mes soirées, à côté des cours, à côté de mes divers engagements et devoirs en tant qu'étudiante. Et puis, finalement, c'est eux qui ont pris forme et qui font mon quotidien aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite tout le monde à juste multiplier les projets qui nous appellent, en fait. Et qu'on se dise pas, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vais paraître bien? Est-ce que je suis assez douée pour le faire ou pas? Non, juste fais-le et tu verras sur le tas, t'apprendras sur le tas et c'est comme ça que tu vas faire des rencontres, que tu vas avancer et que tu vas construire ton propre projet, ta propre vie loin du regard des autres. Victoria, tu viens de parler de pulsion de vie, tu dis que tu pouvais pas faire autrement, mais j'aimerais quand même que tu nous racontes, que tu caractérises peut-être un peu l'énergie, l'émotion, le sentiment qui t'a fait passer à l'acte, notamment sur le podcast Nouvel Oeil. Est-ce que c'était une curiosité trop forte? Est-ce que c'était une envie d'agir? Est-ce que c'était ce désir d'apprendre et d'aller à la rencontre de ces personnes inspirantes? Qu'est-ce qui est un peu, tu vois, cette énergie-là qui a favorisé la création du podcast? Je pense que c'est un mélange d'un peu tout ça. Tu as mis le doigt sur à peu près toutes les raisons qui m'ont poussée à le faire. Mais c'est avant tout et surtout, je pense, une soif insatiable de poser des questions sur tout. Et cette soif-là, je l'ai depuis toute petite. Donc, quand j'étais petite, c'était à mes parents que je posais mes questions. Je disais pourquoi c'est comme ça, pourquoi on doit apprendre à marcher, pourquoi on doit aller à l'école, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis, quand j'ai vu qu'ils commençaient à être à bout de réponses, j'ai commencé à poser au lycée, au collège. Donc, pour mes profs aussi, c'était pas toujours très génial parce que dès qu'on commençait un nouveau chapitre, notamment en maths ou en physique, je disais, mais pourquoi on apprend ça? Ces équations, pourquoi on les fait? À quoi ça va nous servir? Et j'avais besoin de comprendre les choses pour les apprendre, en fait. Et donc, parfois, on me disait, écoute, Victoria, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas besoin de comprendre, juste fais-les. Et donc, quand j'ai compris que je ne pouvais peut-être pas répondre toute seule à ces questions-là, je me suis dit, sortie du lycée, que j'allais les poser au monde et à celles et ceux qui m'inspirent. Donc des questions plus philosophiques, des questions un peu existentielles, du sens de tout ça, de pourquoi je suis là et de comment trouver sa place aussi dans ce monde. Parce que moi, il y a une question qui m'a toujours beaucoup questionnée et fait peur, c'est qu'est-ce que tu veux faire en fait dans ta vie? Et quand on me disait ça au lycée après le bac, ça me faisait peur parce que j'étais tellement curieuse de plein de choses. Que de réfléchir à un seul secteur d'activité et de devoir choisir un seul métier, en fait, ça me faisait peur et ça m'oppressait. Je me disais, mais non, pour moi, c'est pas ça la vie. Je veux pas faire qu'une seule chose. Je veux découvrir un tas de choses. Et j'avais très peu confiance en moi. J'étais, je pense, comme beaucoup de jeunes, très attachée au regard des autres. Voilà, j'aimais bien mettre des photos sur Instagram. J'aimais bien aller faire des boutiques. J'aimais bien juste me sentir reconnue, en fait, par les autres. Et en même temps, je me disais, mais qui c'est moi, au fond? Qui c'est moi? Et c'est des questions que je m'étais jamais posées, qu'on m'avait jamais amené à me poser à l'école. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais aller poser ces questions-là, en fait, à celles et ceux qui sont peut-être plus âgés et qui se sont déjà posé ces questions-là et qui ont finalement des années de vie devant moi pour avoir un recul et me partager leurs conseils, si on peut dire que c'est des conseils. Donc, l'idée est partie un peu de ça, voilà, de beaucoup de questions et d'envie de réponse. Mais donc, du coup, tu aurais pu aller très bien proposer à ces gens-là de boire un café, de boire une bière, de passer un moment, de prendre des notes pour toi et puis de grandir, j'allais dire, dans ton coin presque. Pourquoi tu t'es dit qu'en fait, il fallait que tu racontes ça? Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait que tu partages ces pourquoi et que ça prenne la forme d'un podcast? Je pense que c'était un devoir de transmission en fait, parce que je me suis dit tout ce que j'apprends et toutes les choses que j'ai pu moi aussi réaliser sur la vie aujourd'hui, si je les garde pour moi, finalement, ça va pas faire évoluer la société. C'est des choses qu'il faut transmettre de génération en génération, sinon on n'évolue pas en tant qu'humain. Et donc comme moi, c'est des choses qui m'aident. Je me suis dit, ça peut aider d'autres jeunes, parce que tous, on se pose ces questions-là, du sens de la vie, de qu'est-ce que c'est l'amour, de comment trouver un métier. Et donc, si c'est des réponses qui m'ont aidé à moi me construire, c'est potentiellement des réponses qui aideront d'autres jeunes à se construire. Et donc, je pense que oui, c'était avant tout un devoir de transmettre, en fait. Et est-ce que tu as conscientisé le choix du podcast par rapport au choix de l'interview vidéo? Ça aurait très bien pu être une série d'interviews vidéo. Tu aurais pu très bien aussi en faire des articles sur un blog au format écrit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de favoriser ce format audio qui, moi, me plaît beaucoup et on va pouvoir en reparler après, mais je voulais savoir, toi, ce qui t'avait fait passer de ce côté-là. Absolument, bah oui, du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir ta réponse, comme tu as un podcast, 2030 Glorieuses. Moi, ce qui m'intéressait sous ce format-là, c'est le fait qu'on se détache de l'image, en fait. Et dans un monde où aujourd'hui, on est toujours attaché à l'image, de comment elle est habillée, comment ci, comment ça, et où en fait, on en oublie parfois le fond. On est tellement sur l'image que quelqu'un peut dire des choses totalement abstraites, on va même pas s'en rendre compte tant qu'elle est belle. Et je me suis dit, en fait, c'est important aujourd'hui de revenir à la lenteur, aux choses longues, aux choses profondes. Et donc, le format podcast, qui est quand même relativement long, 30 minutes, c'est pas une vidéo de 5 minutes, et qui nous permet, pour une fois, de juste se concentrer sur ce qu'on dit et pas sur ce qu'on est ou ce à quoi on ressemble. Et c'est aussi un format, je trouve, très pratique parce qu'on peut autant l'écouter le soir en s'endormant, en cuisinant, sous la douche. Et donc, on n'a pas à avoir le nez sur notre téléphone, là où la journée, on est déjà tellement sur nos écrans qu'en plus, au moment de se cultiver, on n'a pas besoin d'être encore sur un écran. Donc, c'est un format qui m'a plu pour toutes ces raisons-là et je me nourrissais moi-même beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas l'enseignement, en fait? Parce que c'est génial, c'est une opportunité magnifique pour rencontrer qui on veut, quand on veut, sur les sujets qu'on veut. Et donc, c'est venu assez naturellement, finalement. Mais par contre, il y en a beaucoup qui me disent, ah oui, alors pourquoi tu ne les filmes pas et tu ne les mets pas sur YouTube? Et je vois qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui s'y mettent. Et en fait, je me dis, mais où est la valeur ajoutée? À part juste rajouter une image, tu crées de la pollution numérique, alors que YouTube, c'est déjà saturé. Donc non, non, je tiens à garder le format podcast et uniquement le format podcast. Ouais, je partage ce que tu dis. C'est sûr qu'en plus, déjà, la plus-value est pas énorme. Et donc, le coût écologique, là, nous fait poser la question. Parce qu'au début, moi, je filmais les podcasts et je les mettais en vidéo sur des passages courts qui faisaient un peu des teasers. Et en fait, là, récemment, j'ai tout supprimé de Facebook. Il faut que je fasse de YouTube et tout ça. Parce qu'en fait, plus j'avançais, plus je me rendais compte à quel point, personnellement, la vidéo, elle me rend vraiment très passif, vraiment très acteur, pardon, vraiment très spectateur. Et en fait, on a fait tout le travail de pré-mâcher l'imaginaire pour nous, parce que les images sont fixées, les tons, les intentions, tout est là, tout est apparent, et donc on n'a qu'à le consommer d'une certaine manière. Alors que je trouve que le podcast et le bouquin d'ailleurs, et je serais content que tu me racontes aussi ce qui t'a donné envie de passer au format bouquin, mais je trouve que c'est le véhicule parfait qui laisse encore suffisamment de place à l'auditeur, à l'auditrice, ou au lecteur, à l'électrice, pour en fait se mettre en chemin, prendre ce véhicule, mais faire le chemin parce qu'il y a besoin, voilà, d'imaginer, il y a besoin de s'approprier les émotions, il y a besoin de d'intérioriser ce qui a été transmis, pourquoi pas l'interpréter aussi, parce que entre ce qu'on entend à la voix et ce qui voulait être dit, ben il y a parfois un peu le filtre du visuel qui manque. Et je trouve qu'en fait, on rend les gens à nouveau beaucoup plus proactifs. Et ça, c'est dans l'apprentissage hyper nécessaire. Et c'est pour ça que je trouve que le podcast, c'est aussi puissant et le bouquin, c'est aussi puissant. Pour moi, il y a quelque chose qui tient un peu de la rêverie, de l'onirique, qui est un peu poétique d'une certaine manière. Et j'y tiens beaucoup. Et c'est pour ça que moi qui écoute énormément la radio, je trouve que c'est absolument nul d'avoir cédé à cette tendance de filmer la radio pour le mettre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, vraiment, ça gâche tout. Et je sais qu'il y a eu un ou deux invités parfois qui se sont un peu rebellés contre ça en disant, mais en fait, avant, à la radio, on pouvait arriver comme on était, quoi. C'est-à-dire, pas rasé du matin et pas se poser la question de son apparence. Alors qu'aujourd'hui, sur la radio, il faut faire même attention à tout ce qu'on fait, même dans les temps de pause et tout, parce que c'est filmé, décortiqué. Parfois, c'est assez marrant, mais en fait, ça casse quelque chose et ça enlève un peu du mystère, je trouve. Je trouve aussi, et c'est vrai que ça répond finalement à une tendance et à une mode qui est qu'il faut toujours se montrer, il faut toujours tout filmer, et on s'attache à cette image-là, et ça peut aussi être très culpabilisant pour des personnes qui n'ont pas envie de se montrer, et ça fait que aussi, je pense, on est d'autant plus amené à s'attacher à notre apparence, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on consomme autant, qu'on se maquille autant, qu'on s'habille autant, et qu'on est tout le temps en quête de renouveau, parce que la société nous pousse à ça. Et donc autant le livre que le podcast, c'est vrai que c'est un format incroyable parce que on se reconcentre enfin sur le fond. Et c'est vrai que c'était un pari risqué aussi d'écrire un livre parce que les jeunes, on lit plus beaucoup. On n'a plus l'habitude de ça. Maintenant, on a l'habitude de swiper et d'avoir l'essentiel d'une information en 2 minutes et plus de 10 minutes, on s'ennuie, on passe à autre chose, quoi. Et donc retrouver juste un livre entre les mains, téléphone en mode avion et juste avoir des pages. On n'a plus l'habitude de ça. Et donc c'était aussi un pari de se dire, bon, bah, je vais pousser les jeunes à revenir à ça, parce que c'est important quand même. Et les téléphones, ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Avant que tu me racontes l'aventure derrière le livre et ce que ça a provoqué, les retours que tu as eus, j'aurais bien aimé que tu me racontes justement les réactions qu'ont provoqué tes épisodes et chez les gens qui t'écoutent, chez ton entourage aussi, que tu me racontes un peu ce que toi qui as décidé, le fait que tu aies décidé d'être conteuse, le fait que tu aies décidé de prendre porte-voix pour raconter quelque chose, comment ça a été perçu? Par mon entourage, ça s'est fait, je dirais, en plusieurs étapes. La première, ils s'y intéressaient pas spécialement. Ils se disaient, bon, de toute façon, elle a toujours des projets. Dans 2 mois, elle arrêtera, elle fera autre chose. On ne prenait pas spécialement au sérieux. Et la deuxième étape, ça a plus été quand j'ai commencé à sortir des gros noms, quand ils ont vu que je m'acharnais un petit peu sur le sujet, que ça me rendait vraiment heureuse, que ça me permettait de grandir et que je m'y mettais à fond. En fait, à partir du moment où j'ai publié un épisode par semaine, on a commencé à s'y intéresser, puis la presse aussi a commencé à s'y intéresser, et là ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Et après, ça les a nourris en retour, en fait, parce qu'ils se sont dit, elle est partie de rien, en fait, et aujourd'hui, elle arrive à construire quelque chose de sa passion, et elle s'est découverte la passion sur le tas. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est inspirant, c'est que Je me suis pas réveillée un matin en me disant, ça y est, je suis passionnée de journalisme et de transmission. Non, c'est vraiment en pratiquant et en faisant et en évoluant que je me suis dit, mais je veux plus jamais arrêter de faire ça de ma vie, j'adore. Et donc, je pense qu'ils s'en sont inspirés. Et aujourd'hui, ils ne me le disent pas spécialement, pas tous, mais notamment mes parents, je crois qu'ils ont beaucoup de mal avec ça, mais j'ai jamais entendu un « je suis vraiment fière de ce que tu fais ». Je l'entends par des amis qui me disent « ah, je crois que tes parents et tout, c'est vraiment chouette », mais eux, je crois qu'ils comprennent encore pas tout à fait. J'ai parfois droit à des réactions comme « et du coup, c'est quand que tu trouves un vrai métier ?»« Et ton CDI ?»« Mais vous avez pas Encore, compris même !» maintenant, Encore. là, c'est vrai. Il commence un peu à lâcher du lest, mais il y a 2, 3 mois, j'avais encore droit à ça, ouais. Ouais. Mais maintenant, il commence à voir que je suis encore plus occupée que si j'avais un CDI et que je m'arrête jamais. Et il commence à se dire, OK, oui, c'est vraiment du sérieux et faudrait même peut-être qu'on la calme parce que là, ça fait beaucoup pour elle. Mais il met du temps à comprendre parce qu'en fait, pour eux, c'est pas ça, ils n'ont pas été habitués à ça, ils ont été habitués à juste prendre un CDI à la sortie de leurs études et à faire ça toute une vie. Et donc là, de voir que je construis mon propre parcours, que j'ai plusieurs activités en même temps, ils se disent OK, mais on n'a pas de modèle, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans? Qu'est-ce que. Voilà. Et ils ont besoin de rationnel, je pense, aussi, pour être sûr, pour se dire, bon, voilà, on veut que tout aille bien pour elle. Donc c'est plutôt bienveillant dans le fond, mais c'est pas toujours facile. Je dis toujours, c'est compliqué. Enfin, il faut beaucoup de courage pour oser vivre une vie que les autres ne comprennent pas. Parce que c'est vrai que quand dans les repas de famille ou quand je fais de nouvelles rencontres, on me dit et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je peux pas dire en un mot, je suis médecin ou je suis avocate. Je mets toujours 2 minutes à tout expliquer. Et puis souvent, voilà, on a les peurs des autres qui nous reviennent dessus, à dire ah mais du coup, c'est pas très sûr et ça, et t'as pensé à ci et ça et donc c'est beaucoup moins confortable que si je me mettais dans un CDI et que voilà j'avais ma voie toute tracée pour les 10 prochaines années. Et en même temps, je sais qu'une vie comme ça ne me correspondrait pas, quoi. Et les retours des personnes qui t'écoutent et qui partagent avec toi tous les pourquoi que tu poses à tes invités, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai de plus en plus de retours de personnes au-dessus de 40 ans. Là où moi je pensais plutôt toucher les 20-30 ans, parce que je m'étais dit, je vais questionner en fait les personnes sorties des études qui cherchent leur orientation pour éviter de se poser les questions trop tard à 40 ans. Et en fait, il y a des personnes qui effectivement sont en burn-out à 40 ans et qui se disent, ouais, mais ces questions-là, je ne me les suis pas posées à 20 ans et aujourd'hui, je vois que je ne suis pas épanouie dans mon job. Je suis en grosse quête de sens. Certes, j'ai trouvé un CDI bien payé avec un beau nom sur mon CV. Certes, j'ai mon mari ou ma compagne, j'ai des enfants, une grande maison. Mais en fait, au quotidien, est-ce que je m'épanouis? Non. Et donc, ils arrivent à une quête de sens à 40 ans ou voire plus. Et nouvel œil leur tombe dessus parce qu'ils se rendent compte que voilà, il y a des personnes qui ont leur âge et qui ont osé à un moment donné dans leur vie sauter le pas, faire quelque chose d'un peu fou et avoir un parcours atypique. Et donc les retours, ils sont. Ça me dépasse en fait les retours qu'il y a et c'est ce qui m'encourage aussi à continuer et qui me fait dire que j'ai eu raison de me lancer parce que je vois que ça aide profondément en fait. Et il y en a qui me disent littéralement, ça change ma vie, ça m'a aidé à prendre telle décision, d'écouter telle personne. Et en fait, c'est magnifique parce que c'est pas moi qui le fais. Moi, je suis juste je tends mon micro à celles et ceux qui vont inspirer. Et de mettre en lumière des parcours de personnes qui sont inspirants, ça inspire d'autres personnes à être inspirantes. Et donc, c'est vraiment une spirale positive qui est juste mais incroyable, quoi. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de retours géniaux. C'est un booster énorme. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi pour demain. Est-ce qu'on peut définir justement, parce que on tourne beaucoup autour, ben voilà, de ce podcast, nouvel œil, de tendre le micro à des personnes inspirantes, d'écouter ta pulsion de vie. Mais si on en revient à cette idée de nouveaux imaginaires, à quoi tu contribues dans la création de, à quels nouveaux imaginaires tu contribues? Vers quelle société les gens ils vont vouloir aller quand ils écoutent ton podcast et quand ils en ressortent avec l'envie d'être en mouvement? Je J'entends crois la que... première idée de se dire on se lance, on s'écoute et on ose, mais à quoi? Parce qu'en fait, ça pourrait très bien être à détruire la planète, à viser le plus gros pouvoir d'achat possible pour écraser les autres. Justement, c'est précisément l'inverse. Et c'est justement dire non à cette société un petit peu capitaliste qui nous vend depuis tout petit que réussir sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent et avoir les placards remplis. Et tous et toutes, je pense, qui se rejoignent sur la société que tu dessines, notamment dans ton livre 2030 Glorieuses, qui est une société plus solidaire, plus sobre. Donc, se contenter de moins, mais se contenter de mieux, acheter de seconde main, peut-être manger moins aussi, mais manger mieux, faire attention au monde qui nous entoure et finalement questionner tous nos actes au quotidien. Donc, c'est un mode de vie plus sobre, mais c'est aussi un mode de vie plus minimaliste, plus à l'écoute et peut-être plus lent. C'est un petit peu, je pense que c'est toutes des personnes qui finalement ne se reconnaissent plus dans la société d'aujourd'hui qui va trop vite et qui se rendent compte qu'il y a un bug un petit peu dans tout ça, qu'à la fois ça détruit notre environnement et qu'à la fois ça nous aliène nous-mêmes et que ça ne nous rend pas heureux finalement parce que quand on a l'iPhone 24 entre les mains et 1000 robes dans notre placard, on se rend compte qu'on en veut toujours plus et qu'on n'est jamais assouvi. Et donc on comprend qu'il faut peut-être se cultiver soi, qu'il faut peut-être retrouver du vrai lien au-delà des écrans, rencontrer des gens, partager un bon moment autour d'un bon repas, retrouver la lecture, retrouver du temps pour soi dans la nature. Et en fait, c'est toutes les petites choses simples qui sont à portée de main, qui sont souvent gratuites et qu'on a trop oubliées. Et je pense tous qu'ils se rejoignent là-dessus, à se dire qu'il faut revenir à une société beaucoup plus solidaire. Et beaucoup plus dans l'amour aussi, je crois beaucoup à l'amour. Et donc, ils sont tous en quête de sens et en quête de simplicité. Donc, c'est un petit peu la société que je décrirais, oui. Et en même temps, c'est la société à laquelle j'aspire pour demain. Parce que je pense que si on va pas vers ce monde-là, on court à notre propre autodestruction. Donc, c'est quand même dommage. Je trouve que le gros point fort de ton podcast aussi, Victoria, au-delà de l'énergie communicative que tu as, et là ça se ressent pendant cette conversation, et là je sais que déjà, tu vois, 20 minutes de ma dose de Victoria, j'ai rechargé mes batteries pour la semaine. Donc là, ça Oh c'est non. sûr que c'est un vrai plus, mais au-delà de ça, je trouve que les invités de ton podcast sont assez peu attendus dans le sens où... si c'est vrai que tu vas chercher des gens qui ont une vraie pulsion de vie, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est pour moi, c'est une bonne manière de le dire. C'est pas tout tracé, c'est pas préétabli, c'est pas figé dans un cadre bien défini comme par exemple pourrait l'être mon podcast où là c'est vraiment des personnes qui sont très engagées sur ces considérations écologiques, solidaires et du coup ça crée une ligne directrice forte. Toi, j'ai l'impression qu'une autre plus-value, je sais pas si tu l'avais déjà vu comme ça de ton podcast, c'est montrer aussi que chez l'autre et parfois chez l'autre qui est vraiment différent de soi, il y a aussi une richesse. Et donc, c'est la nécessité de recréer cette conversation et d'aller voir justement des personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de croiser dans son quotidien. Toi, c'est vrai pour les écarts générationnels, puisque de temps en temps, tu interviews des personnes qui ont le double, voire le triple de ton âge, et aussi des personnes qui sont d'autres catégories socio-professionnelles que tu as, parce qu'en plus, tu viens du sud de la France, d'un milieu paysan, etc., etc. Est-ce que ça, tu l'avais identifié comme une vraie plus-value de ton podcast ou pas? Je l'avais pas identifié dans le sens où je me suis pas dit je vais faire ça parce que ça sera une plus-value, mais c'est venu assez naturellement dans le sens où pour inspirer les gens, il faut qu'ils puissent s'identifier dans différents parcours. Et je voulais surtout pas faire croire que réussir sa vie et être inspirant, c'est passer à la télé tous les soirs. Et donc je tiens vraiment à mettre en avant des parcours très hétéroclites, dans plein de milieux différents, à plein d'âges différents, de personnes qui ont juste une particularité, celle d'avoir osé à un moment donné dans leur vie. Donc, qu'ils aient, et pour tous, hein, ils ont eu des difficultés dans leur vie, souvent, et c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est que tout ne tombe pas du ciel. Et que là où ils sont aujourd'hui, l'ont mérité, en fait. Et qu'il y a eu un avant, un dessous l'iceberg, qui est souvent pas montré, mais que moi, je vais aller creuser. Et donc, je reviens vraiment en profondeur sur leur parcours, de leur éducation, à leur cheminement, jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui, pour comprendre, en fait, ce qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui. De sorte à ce que chaque personne puisse s'identifier et se dire, mais en fait, j'aurais très bien pu faire ça. Donc, ça part par une surfeuse professionnelle comme Victoria Vergara, à un économiste, à un auteur, à toi, par exemple. Mais voilà, c'est tous des personnes connues ou moins connues qui sont inspirants à leur façon. Et finalement, ça amène aussi à se dire que chaque personne, dans le fond, est inspirante. Et ça, je crois profondément à ça, on est tous inspirants. C'est juste que certains ne savent peut-être pas au fond d'eux qui ils sont, et donc quel est leur potentiel, et dans quoi ils vont pouvoir s'épanouir, et faire briller autour d'eux. Et donc, voilà, ils pensent qu'ils ne sont pas inspirants, alors que si, en fait, on se rend compte que quand on nous vient dans sa peau et quand on fait ce qu'on aime au quotidien, on a un impact et on inspire parce qu'on a un impact. Donc c'est aussi ça que j'avais envie de mettre en avant. Tu sais, on parle de plus en plus de l'archipélisation de la France et avec les réseaux sociaux, on est vraiment aujourd'hui dans des bulles et tout nous pousse en fait à aller vers les personnes qui pensent comme nous parce que du coup, ça va susciter des clics, ça va susciter des likes, ça va en fait faire en sorte qu'on va se regrouper avec des personnes dont on sent qu'on est proche. Et du coup, ça renforce encore le fait qu'on a de plus en plus de mal à et d'une côtoyer les personnes qui sont différentes de nous et de deux, leur parler, parce qu'en fait, on est en train de désapprendre à parler à des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et je trouve que, en tout cas, peut-être que c'était pas vraiment voulu, mais ton podcast aussi montre que aller parler à des personnes qui sont vraiment, vraiment très éloignées de nous de premier abord, hein, parce qu'en plus, on arrive toujours au fur et à mesure de la conversation à trouver des choses qui nous rassemblent. Et en fait, ça provoque des vraies richesses. Et pour ça, ton podcast, c'est une richesse qui apporte cet élément important à mon sens. Ben, ça me fait plaisir que tu le dises parce que c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de justement se confronter aux différences. Parce que ça fait peur finalement d'aller confronter nos points de vue à des personnes qui pensent pas comme nous parce que c'est déstabilisant, parce qu'on va devoir se justifier, parce qu'on sort de notre zone de confort. Et donc, c'est vrai qu'à la fois, la société et les réseaux sociaux nous poussent à voir que les personnes qui pensent comme nous, mais à la fois, nous-mêmes aussi, ça nous arrange d'être entourés de personnes qui pensent comme nous parce qu'on est plus facilement validés, plus facilement à l'aise. Alors que justement, on se construit, on apprend et on évolue, on grandit parce qu'on va confronter différents points de vue. Et on est tous différents. Donc pour faire société et construire un monde durable, il faut apprendre à cohabiter avec des personnes différentes. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas spécialement pensé en faisant le podcast, mais si tu le ressens comme ça, merci, c'est génial, parce que c'est pour moi important de se confronter aux différences. Il faut. J'aimerais bien qu'on passe à ton livre et que tu me racontes pourquoi ce livre, parce que tu avais envie de devenir millionnaire, car comme on le sait, en écrivant des livres, on devient un millionnaire. Et plus sérieusement, est-ce que c'est en fait que d'une certaine manière, tu voyais le podcast comme quelque chose qui laisse une trace quand même assez éphémère, parce que dans le flux de données, ça va, ça vient, alors qu'un livre, ça reste et tu pourras le retrouver encore dans 10 ans, par hasard presque. Ou rien à voir. Qu'est-ce qui t'a motivé à sortir ce bouquin? Ben, tu vois, rien à voir. Et on croit souvent que j'ai écrit le livre après le podcast, parce qu'il est sorti après. Et on pense que du coup, c'est mon podcast qui m'a inspiré à écrire le livre, alors que pas du tout. En fait, le livre, j'ai commencé à l'écrire bien en amont le lancement du podcast, il y a à peu près 4 ans. Au retour d'un voyage en Inde. Donc, j'en parle au début du livre. En fait, je suis partie 2 mois à 18 ans dans les bidonvilles à Jaipur, en Inde, pour aider les enfants qui vivent dans les bidonvilles. Et à 18 ans, moi, ça m'a mis une énorme claque parce que j'étais encore un petit peu dans ces paradoxes de la société, voilà, où je pensais que je serais heureuse quand j'aurais mon CDI dans une grande boîte et que j'aurais un beau mari avec une grande maison. Je croyais à ça. Et en fait, je me suis confrontée à une grande désillusion en arrivant en Inde parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient rien de tout ça, rien de matériel, et qui étaient profondément heureux. Et je dis vraiment profondément heureux, hein. Il y en a qui disent, oh oui, non, mais c'est facile de dire ça, ils peuvent pas être heureux alors qu'ils ont rien. Ils sont vraiment heureux. Et je l'ai ressenti. Et moi-même, du coup, je me suis jamais sentie aussi heureuse que quand j'étais au milieu des bidonvilles avec ces enfants-là. Parce qu'ils sont dans l'amour, en fait. Et comme ils ont rien de matériel, ils se raccrochent à la solidarité et à l'amour. Et donc, j'étais accueillie tous les matins avec des bras ouverts d'enfants qui étaient juste ravis de me voir et qui étaient hyper curieux d'apprendre un nouveau mot d'anglais, d'apprendre un nouveau pas de danse. Et moi, ça m'a mis une claque, en fait. Je suis rentrée en France et je me suis dit, mais je peux plus jouer un rôle, je veux plus sortir en boîte de nuit parce qu'on m'a dit qu'à 20 ans, il fallait sortir en boîte de nuit. Je veux plus aller faire les boutiques tous les samedis parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois bien habillée pour être acceptée. Je veux plus de tout ça. Et donc, j'ai fait face à une énorme remise en question. Et je me suis sentie profondément seule parce qu'effectivement, en école de commerce, en deuxième année, on n'a pas trop ce genre de questionnement. Et donc, moi, je me suis retrouvée face à toutes ces questions et face à moi-même et à me dire, mais en fait, j'ai l'impression d'être juste hyper incomprise par rapport aux jeunes de mon âge. Et donc, l'écriture, c'est devenu un peu comme un échappatoire où j'avais besoin de mettre les mots sur ce que je ressentais. Et donc, ça m'a accompagnée. Ça m'a aidé à me construire. Et puis, un jour, je me suis dit, mais j'aime écrire. J'aime écrire. Et en fait, ces choses-là, ça rejoint le besoin de transmission dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ces choses-là, il faut que je les partage parce que quelque part, c'est une chance d'avoir pu voyager, d'avoir pu rencontrer des populations aussi démunies qui m'ont permis de prendre du recul sur nos modes de vie occidentaux. C'est une chance d'avoir des parents agriculteurs qui, dès toute petite, m'ont mis la main dans la terre et à la traite des vaches. Et donc, il faut que je partage tout ça parce que c'est des choses que j'aurais aimé aussi qu'on me dise plus tôt, quand j'avais 15 ans, 16 ans, que j'avais pas du tout confiance en moi et que je me laissais un petit peu balader par mon entourage, juste pour être acceptée. Et donc j'ai commencé à écrire et je me suis dit, allez, go, on va écrire un livre, il faut le partager. Donc après, j'ai passé plusieurs phases avec des jours où je me disais, non, mais pas du tout, n'importe quoi, pour qui tu te prends pour écrire un livre, faut attendre d'être expérimenté pour être publié, jamais tu seras publié. Et d'autres jours où je me disais, encore cette petite voix dont je te parlais au début, je me disais, mais en fait, je peux pas faire autrement que de partager ce livre, il faut que je le partage, il faut réveiller ces jeunes-là. Et donc, j'ai écouté cette pulsion de vie et je me suis dit, bon, bah, écoute, maintenant que tu as cette idée en tête, il faut que tu te mettes un cadre pour l'avancer. Et donc, tous les matins, pendant un an, je me suis levée 1 heure plus tôt, avant mes cours, pour avancer le livre. Parce que je me suis dit, sinon, tu trouveras toujours un moyen pour procrastiner, à dire, non, mais ce soir, tu vas faire du sport, non, mais ce soir, tu vas aller ici ou là, et tu vas lire, et machin, et puis tu n'écriras pas, et puis en fait, ça avance pas. Et donc, pendant un an, je dérogeais pas, tous les matins, j'ai écrit, et puis, à partir du moment où je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un socle assez stable pour que je le présente à des maisons d'édition, j'ai commencé à l'envoyer. Et j'ai mis un an avant de trouver une maison d'édition. Donc, ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, franchement, c'est hyper intéressant quand même comme témoignage. Donc, je suis trop content là qu'on puisse avoir cette conversation, que tu puisses livrer ça et que ça inspire peut-être d'autres personnes dans ce passage à l'action. Ça fait 35 minutes que tu nous parles de l'importance du partage pour toi, Victoria. Et même si tu dis que tu te sens pas légitime, est-ce que ton expérience t'a fait accumuler, voilà, quelques conseils, quelques astuces, quelques pépites que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent là pour, ben voilà, si elles ont envie de se lancer aussi, raconter leurs histoires d'une manière ou d'une autre, podcast, bouquin ou autre, osent se lancer dans la dernière réponse que tu nous as livrée. Il y a l'idée de se donner un objectif et d'être très régulier, qui est quelque chose que je partage effectivement. Moi aussi, quand je me lance un peu comme ça, j'ai besoin de cette régularité, j'ai besoin de quelque chose où je sais que je peux pas louper. C'est quelque chose d'important dans l'idée de sortir un livre, par exemple, mais le podcast, ça marche pareil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager comme ça? Je pense que l'organisation et la rigueur, oui, c'est hyper, hyper important pour tenir, notamment sur le long terme, parce que ça nous permet d'avoir vraiment un objectif clair et d'avancer. Parce que sinon, forcément, il y a des jours où on y croira moins, d'autres jours où on y croira plus. Et d'avoir un cadre et une organisation, ça nous permet que, quel que soit le mood du jour, on y aille, en fait. Et donc, on se laisse pas emporter par les pensées négatives qui vont nous dire, non, non, mais t'en es pas capable, t'y arriveras jamais, c'est pas ton truc. Et après, je pense que vraiment le conseil principal, c'est que quelle que soit l'idée que vous pouvez avoir, le secteur d'activité qui peut vous intéresser, et quel que soit ce que vous soyez en train de faire aujourd'hui, vous pouvez forcément dégager du temps pour cette idée qui vous tient à cœur. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir de quoi demain sera fait, parce que souvent, quand on a une idée, on se dit, ouais, il faut absolument que ça se passe comme ça, et il faut absolument que dans N plus 1, j'en sois ici. Les choses, elles se passent rarement comme ça. Donc moi, ce que j'invite à faire, c'est juste à se lancer, en fait, à mettre un premier pas, à se dire, là, j'ai mon idée, j'ai mon emploi du temps qui ressemble à ça. Ben, en fait, j'ai forcément un créneau aujourd'hui pour m'y plonger et j'avance. Et je verrai dans un an où est-ce que ça m'amène. Honnêtement, mes projets, quand je les ai commencés, notamment le podcast, jamais je pensais en être là aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment des choses qui arrivent au fur et à mesure, en fonction des rencontres, en fonction des opportunités. Et c'est des choses que tu prévois pas finalement dans tes listes, mais qui arrivent. Donc ça s'appelle la vie, tout simplement. Et il suffit de se lancer et de laisser la peur de côté. Et je sais que moi, longtemps, j'ai eu la peur qui m'a freinée finalement, parce que je me disais, mais non, ça fait trop peur, c'est pas confortable, c'est trop atypique, c'est pas sûr. Et puis le regard des autres qui te dit que c'est trop dangereux. Et donc t'as peur, tout simplement, t'as peur, que ce soit des peurs financières, des peurs de pas être à la hauteur, des peurs de pas bien paraître ou de pas bien parler ou de ci ou de ça. Et donc la peur, elle paralyse. Alors qu'en fait, quand tu dépasses cette peur-là, juste tu vas mettre un premier pas dans le vide, et c'est là que ton parcours va se construire, que des choses merveilleuses vont arriver. C'est la magie de la vie qui opère, quoi. Donc juste allez-y, en fait, que ce soit, je sais pas, peindre, que ce soit vous lancer dans la musique, que ce soit lancer un projet entrepreneurial, que ce soit quoi que ce soit, finalement, la permaculture ou autre. Juste allez-y et cherchez pas précisément à savoir où est-ce que vous allez en être dans 2 ans et ne cherchez pas à vous comparer non plus sur ce qui a été fait, sur qui fait comment, parce que vous, c'est pas le voisin. Et votre façon de faire, ce ne sera pas la même que celle du voisin. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je rejoins ce que tu disais et je partage cette anecdote absolument folle que j'ai jamais pu vérifier parce que je connais pas Amélie Nothomb, mais l'histoire dit qu'Amélie Nothomb se réveillerait tous les jours à 4 heures du matin pour écrire et que tous les matins elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit de mémoire en moyenne 3 livres par an et en fait sur les 3 livres elle le garde le meilleur et les 2 autres elle les met dans un tiroir et ils seront jamais publiés. Voilà, c'est son histoire de régularité. Oui. Incroyable, hein? Pour moi, c'est la clé de tout, la régularité, vraiment. Qu'est-ce que tu nous prépares d'ailleurs, Victoria, avec toute ton énergie là? Est-ce que y a des projets en 2022 là que tu as envie de partager, de révéler, sur lesquels tu vas travailler tout simplement, ou est-ce que tu vas déjà continuer la super lancée que tu as créée avec ton podcast? Oui, bah alors je vais continuer déjà ma super lancée avec le podcast. C'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui, rencontrer des gens, partager tous ces messages-là. Quand je vois l'impact que ça a, je veux juste continuer à faire ça. Donc c'est une grosse partie de mon travail parce que c'est un épisode par semaine et toi-même tu peux savoir que c'est beaucoup de travail. Comme je fais tout toute seule, autant le démarchage des invités, le déplacement, l'interview, la publication. Donc il va y avoir un gros travail là-dessus. Après, de plus en plus, je donne des conférences pour justement porter ma voix auprès des jeunes et les pousser à réaliser leurs rêves. Donc il y a ça, des événements aussi. Donc là, prochainement, il va y avoir Talents for the Planet, auprès duquel je vais m'étudier d'ailleurs, j'ai étudié. Donc on va se voir. Donc j'anime une table ronde. J'anime une table ronde, je vais faire un atelier inspirationnel et tenir un petit stand. Il y a plein de petits événements comme ça qui se destinent. J'ai un TEDx en avril, donc ça j'ai super hâte. Et quoi d'autre? Ah si, il y a des concerts aussi qu'on crée avec Nicolas et une danseuse aussi qui s'est rejointe à nous. Nicolas qui est pianiste à Paris et qui m'a contactée. Donc ça fait partie, par exemple, voilà, des petites choses de la vie qu'on prévoit pas. Il m'a contactée en septembre et il m'a dit, bah écoute, j'aime beaucoup les messages que tu véhicules, j'ai lu ton livre, j'adore les valeurs que tu portes. En fait, j'ai envie qu'on crée un duo artistique. Donc je vais accompagner tes mots avec le piano et on va créer des concerts pour que les gens viennent nous regarder. Et donc on fait une première représentation à Paris ce vendredi. Et une prochaine à Bordeaux en avril. Et donc après, voilà, peut-être qu'il y en aura dans Bien. plusieurs villes de France. Et ça, c'est beaucoup de travail aussi. J'ai dit oui parce que je dis oui à tout, mais je me rends compte que c'est beaucoup d'organisation. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Il y a un autre gros projet. Il y a un autre gros projet que j'ai en tête, qui est la réalisation d'un film. Parce Allez. que avec les bénéfices des ventes de mon livre, je vais pas les garder pour moi, je vais les redistribuer, notamment en Inde, dans le fameux bidonville où j'ai aidé ces enfants-là. Mais pour rejoindre l'Inde, j'aimerais passer par le Moyen-Orient, par l'Afrique et le Moyen-Orient, sans prendre l'avion, pour distribuer plusieurs populations reculées, un peu comme Rendez-vous en terre inconnue, où je vais directement aller à la rencontre d'ethnies. Et j'ai envie de réaliser un documentaire de tout ce voyage. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le projet le plus colossal que je vais avoir à faire de ma vie. Mais voilà, donc il y a ça aussi sur lequel je travaille en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'eau à la bouche, Victoria, en nous disant quels sont tes prochains invités du podcast, là? Ah, mes prochains invités, lundi prochain. Alors, qui sont publiés ou que je vais enregistrer? Bah les deux, vas-y, donne-en-nous deux, trois qui vont être publiés, et puis deux, trois où là, c'est dans plus longtemps, parce que tu dois les rencontrer. Ouais. Alors, lundi prochain, il y a Lorraine Bastide qui sort. Et d'enregistrer, il va y avoir Juliette Speranza, qui est philosophe. Il va y avoir Théo Isambourg. Si jamais il est par là, qui est musicien, qui est pareil, pas du tout connu, qui a quasiment mon âge. Et du coup, c'est aussi voilà l'importance de mettre en avant des jeunes qui se bougent et qui croient en leurs rêves, en leurs passions, même des très jeunes. Il va y avoir tac, tac, tac, Maxime de Rostelan. Il va y avoir Bertrand Piccard. Eh ben. Voilà, il y en a plusieurs. Et petite avant-première, je vais organiser l'enregistrement du 100e épisode en live sur Paris normalement. Donc, ça sera ouvert à tout public, à tout auditeur, auditrice pour venir l'enregistrer Oh en direct. bien, c'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Et tu sais avec qui ça sera? T'as une idée de là? Je pense que je vais faire revenir un ancien invité. Donc, je réfléchis encore, je vais voir en fonction des Ah, trop bien. disponibilités. Mais a priori, ça sera peut-être Catherine Testa qui va venir. Magnifique, c'est trop bien. Allez découvrir le podcast Nouvelle Liste de Victoria. Le livre est là, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Si vous allez vous le procurer, n'hésitez pas à foncer parce qu'on y retrouve la même énergie communicative que tu nous as partagée là pendant ces 45 minutes. C'était passionnant. Salut, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!